Dindin. La télé, c'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, parce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, autour du pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce lundi 23 mars 2026. Et oui, lendemain de ce 22 mars, en ce dimanche, deuxième tour des élections municipales. Et ce sera un magazine consacré à ce deuxième tour des municipales à Saint-Etienne. Et vous venez de l'entendre à l'instant, on a gagné, la gauche a gagné à Saint-Etienne, cette liste unie de 10 forces politiques de gauche derrière Régis Huanico, eh bien, ont gagné ces élections municipales à Saint-Étienne. Donc c'est une page qui se tourne, certes, à Saint-Étienne. En effet, après 12 ans de majorité de droite, finalement, avec Gaël Perdriau et véritablement cette fois la page tournée. Et puis au-delà, hein, c'est... Une gauche à Saint-Étienne de retour avec seulement, si l'on retient le mandat, Joseph Sangdols, Maurice Vincent, et bien Régis Juanico aujourd'hui, maire de Saint-Étienne. Alors on va faire focus durant ce programme sur et bien les résultats de ce second tour avec quelques réactions recueillies hier soir en préfecture au micro de Dio. Alors que l'on apprend aujourd'hui... Et en ce lendemain de, ou en tout cas en ce 22 mars, le décès d'une haute figure politique et socialiste, la disparition de Lionel Jospin, décédé hier à l'âge de 88 ans, une figure hein, du Parti Socialiste, Premier ministre à nombreuses reprises, de 97 à 2002, étrange résonance avec peut-être ses municipales aujourd'hui, localement pas seulement, certes, Juanico... aussi militant socialiste, mais au-delà, une gauche plurielle représentée par Jospin, et puis surtout à cette surprise générale hein, à l'élection présidentielle de 2002, éliminé dès le premier tour, où il arrivait derrière le président de la République sortant, Jacques Chirac, et surtout le candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen. C'était la claque en 2002. De ce duel Front National droite et l'élimination de la gauche et de Lionel Jospin qui avait annoncé alors dans la foulée son retrait de la vie politique et avait appelé à faire barrage à l'extrême droite. Voilà, c'était en 2002, 24 ans plus tard, nous sommes finalement plus ou moins dans la même configuration. Bref, c'était la parenthèse. Et durant cette ouverture de programme, des mots des sons sensibles donc consacrés à ces élections municipales, focus stéphanois et réaction en préfecture des à la fois candidats-candidates, du gagnant et du maire aujourd'hui en place, Régis Juanico. Quelques infos brèves à vous faire part si le temps nous le permet. Nous sommes ensemble durant environ une heure. En direct live, en ce 23 mars, entre 12 et 13, vous retrouverez la rediffusion de ce programme. Ce sera ce mardi 24 mars, 8h, et en rediffusion encore à 19h. Des mots, des sons sensibles qui s'ouvrent en musique avec nos partenariats Découverte Ferrarock chaque semaine, notre fédération nationale qui vous propose, nous propose cette semaine double artiste, double album. On va s'arrêter sur celle-ci en autoproduction. On en reparle juste après. On écoute en premier lieu Red Money et l'album sorti en autoproduction Days of Tomorrow pour ce titre intitulé No Rules. Et oui, il n'y a pas vraiment de règles en politique comme ailleurs. D'ailleurs, Red Money, No Rules, des mots, des sons sensibles, c'est parti. Rain Money, Days of Tomorrow, 12 ans d'existence et de voyages de Paris à Tours, à Nashville, en passant par Berlin et Pau en France. Et oui, deux maxi, deux albums, 12 ans de concerts, plus de 150 dates à travers l'Europe, les États-Unis, pour ce duo Laure et Arnaud qui emmène et mène ce projet. Red Money, une aventure comme une histoire d'amour façon un peu Bonnie and Clyde. Ils sont partis aux États-Unis à l'été 2019 en quête de liberté et puis d'inspiration. Et puis un retour précipité avec la pandémie que l'on a connue en 2020. Ils ont jonglé entre petits boulots et galères diverses, mais ont tenu bon et puis se sont résignés effectivement à quitter Nashville pour trouver donc un nouveau souffle à Berlin à l'aube de l'année 2021 avant une rupture qui les conduit à suivre des chemins différents. Alors Laure est retourné en France, à Pau justement, où elle a fondé une famille. Arnaud, lui, est resté en Allemagne, explorant comme ça la scène berlinoise. Et puis, bien, reste que ils sont de retour et persistent et persévèrent. Days of Tomorrow, c'est un EP qui pourrait marquer finalement une sorte de nouveau début, hein, une sorte de renaissance aussi de ce groupe, voire nouveau groupe. En tout cas, toujours avec cette double tête juste finalement Laure et Arnaud qui continuent donc ce projet où ils, comme ça, permettent d'explorer leur vision du monde, de l'amour, de l'amitié, du lien humain de manière assez brute, puisque c'est un disque assez dépouillé, direct, et vous l'avez entendu dans ce morceau avec un, on va dire un rock comme ça assez abrasif. En termes de son sur ce No Rules, issu de ce Days of Tomorrow, c'est en autoproduction, c'est un partenariat et donc un disque Ferrarock cette semaine, vous le savez, en annonce, diffusion, jeu concours, même s'il n'y en a pas pour ce EP de Red Money, vous dire qu'il est sorti en autoproduction le 13 mars dernier. L'autre proposition cette semaine, et je concours là, est à la clé pour cet artiste. Donc vous pouvez nous contacter aux contacts habituels, vous le savez. Au bout du clic, c'est un petit mail à contact@radiodio.org. Au bout du tel, c'est le 04 77 438 895, pardon. Et vous n'hésitez pas à laisser un message simple, il n'y a pas de règle, justement en tant que tel, juste annoncer donc votre envie, votre curiosité d'écouter et de gagner cet album de Yanka. C'est l'autre proposition donc cette semaine, l'album Trouble Fête qui est sorti le 27 février dernier chez Deke Soto Music. On aura sans doute l'occasion de l'écouter d'ici ces jours prochains. Vous annoncez que vous avez toutes les infos sur le site dédié ferrarock.org, que vous avez également l'émission Hebdo Dig Dig Diggers. Vous connaissez le rendez-vous, c'est le jeudi soir 19h, rediffusé vendredi 12h et lundi 8h, avec bien sûr donc un module découverte interview réalisé auprès de Yanka par Radio Rage, une interview réalisée auprès de Ren Money par Radio Active, et un troisième module carte blanche signé Dio avec le collègue Loïc qui a assuré une rencontre interview auprès de Amaury de Radio Méga à Valence qui a délocalisé son émission chez Tonton. C'était sur Dio il y a quelques temps de cela et à retrouver justement dans ce module Dig Dig Diggers de cette 13e semaine 2026, cette fin de semaine donc. Voilà pour la Ferra cette semaine. Les mots des sons sensibles consacrés aux élections municipales dans la Loire, mais surtout à Saint-Étienne, sera le focus du jour. Nous avons fait finalement, même règle du jeu, semaine dernière, un retour sur le premier tour de ces élections municipales 2026. Nous allons en faire de même aujourd'hui, ce 23 mars, en lendemain de ce 22 mars, donc hier soir, deuxième tour dans la Loire et à Saint-Étienne. Alors on va en reparler d'ici un instant et écouter quelques réactions. Tout simplement vous rappeler que sur le département de la Loire, on va reparler aussi de quelques situations exceptionnelles et particulières, singulières même sur le département. Vous rappelez que le département compte 320 communes. Je rappelle qu'au premier tour, il y avait seulement 16 communes qui comptaient 3 listes ou plus. Nous en reparlerons d'ici un instant, mais quelques communes vont devoir mener d'autres élections municipales d'ici quelques semaines. Ce sera à la fin du mois de mai, mais on en reparlera tout à l'heure. 308 communes ont déjà élu leur maire et seules 8 communes étaient concernées par ces élections municipales au second tour, avec des situations un peu particulières, notamment des quadrangulaires sur 3 villes principales dans la Loire, Saint-Étienne, Saint-Chamond, Firminy, 5 triangulaires avec les communes de Roanne, Lorette, Saint-Romain-le-Puy, Vauche ou encore Saint-Germain-l'Espinasse. Alors, petit tour d'horizon tout de même de ces nouvelles élections concernant ces différentes villes et communes, au-delà de Saint-Étienne dont on reparle d'ici un instant. Allez, petite synthèse très rapide des élections à l'issue de ce second tour hier. Pour Saint-Chamond, Axel Dugas a été largement réélu. Yves Nicolin, et oui, est de retour à Roanne. C'est tout de même le 4e mandat au cumul pour Yves Nicolin. Marc Petit est de retour et redevient maire à Firminy. C'était peu attendu avec les affaires judiciaires qui ont pu entacher aussi sa candidature et son retour, mais largement, il est de retour à Firminy après 2 mandats, on le rappelle, entre 2008 et 2020. Gérard Tardy, là encore, un indéboulonnable 7e mandat pour Gérard Tardy, qui est de retour donc sur la commune de Lorette, alors qu'il est sans doute le doyen, me semble-t-il, sur le département à l'âge de 88 ans aujourd'hui et qui entame ce 7e mandat. C'est la liste Laurent Boireau qui est sorti vainqueur de la commune à Saint-Germain-l'Espinasse. C'est Christophe Lopin qui en sera désigné maire. Laurent Boireau, lui, devrait s'occuper de la communauté de communes. C'était aussi la règle du jeu hein, sur ces élections 2026. Florian Chaud est le nouveau maire de Vosges. Et André Gachet s'est imposé à Saint-Romain-le-Puy. Voilà, c'était pour vous donner là les résultats sur ces différentes communes qui étaient concernées donc pour ce second tour dans le département d'Aloire. Cette commune, dont je viens de citer les maires en place aujourd'hui, on sait que l'heure est aussi à l'installation assez officielle hein, des nouveaux conseils municipaux pour les 300 et quelques autres communes. La huitième commune concernée par ce second tour était donc Saint-Étienne, bien entendu, en quadrangulaire. Je rappelle, c'était une ville où huit listes s'affrontaient au premier tour, chose tout de même assez exceptionnelle pour le noter. Eh bien, nous allons revenir sur les résultats à Saint-Étienne avant de parler des résultats, revenir tout de même sur ce qui s'est déroulé au second tour, ou entre ces deux tours plutôt. Je le rappelle, quatre listes au second tour, avec une difficulté, et c'est rien de le dire, d'union à gauche. Donc quatre listes qui s'affrontaient, hein, la liste de Dino Cinieri, qui est une liste d'union de la droite ou centre-droit. Faut-il le rappeler ? En effet, hein, ce sont six partis qui s'étaient alliés avec le soutien, puisque donc ami de Laurent Wauquiez, hein, tout de même, donc soutien de la droite et droite franche. Dino Cinieri, donc ex-député LR de la Loire et ancien maire d'ailleurs de Firminy entre 2001 et 2008, et qui là aura subi finalement une défaite assez cuisante. On reparlera des résultats d'ici un instant. Donc, quatre listes qui s'affrontaient. Dino Cinieri pour la droite unie. Il y avait également la liste de Valentine Mercier, dont on va reparler d'ici un instant, pour la France Insoumise, avec difficulté de pouvoir s'allier avec cette liste de gauche unie, là aussi, derrière le socialiste Régis Juanico, et puis le Rassemblement National et ses alliés derrière Corentin Jousserand. Voilà pour ces quatre listes qui étaient donc en lice pour ce second tour. Recueil hier ou collecte de réactions et de rencontres entretiens auprès de ceux, celles qui étaient présentes en préfecture, puisque Dino Cinieri n'a pas daigné se déplacer en préfecture. Il organisait un point presse du côté de son local de campagne où nous n'avons pu nous rendre. Nous avons donc simplement recueilli celles et ceux qui étaient présents en préfecture hier, à commencer par Valentine Mercier pour la France Insoumise, et l'occasion de faire un retour et bilan de cet entre-deux tours à Saint-Étienne qui s'est révélé assez tendu et difficile, ce n'est rien de le dire, mais voilà, justement, ressenti, réaction avec Valentine Mercier d'ici un instant sur le 895 de Dio pour nous éclairer justement sur ce qui a pu se dérouler dans cet entre-deux-tours avant ce second tour effectif hier soir. Écoutez, déjà c'était formidable d'être au deuxième tour, de pouvoir continuer la campagne une semaine supplémentaire, ça veut dire une semaine lors de laquelle on a une exposition médiatique qui nous permet de faire valoir nos idées. Et là, on attend les résultats. Dans tous les cas, on aura des élus municipaux et ça, c'est déjà une victoire. Alors, il va falloir attendre, c'est définitif. Effectivement, là, c'est encore en cours. Quelques villes, il reste trois villes, hein, les trois villes principales du département. Simplement, quand même, revenir sur cet entre-deux-tours. Avec ce qui s'est joué, c'est une autre élection que ce second tour. Et avec ce qui s'est déroulé depuis ce début de semaine, on le sait, des discussions et négociations très difficiles. Je parle en tout cas de la gauche. Est-ce que vous pouvez nous en faire un petit retour avant peut-être que l'on puisse en reprendre quelques éléments forts, quoi? Oui, il a pas été question de négocier. On peut même pas dire qu'il y a eu des négociations, puisque nous, on y est allé dimanche soir, et encore, c'était à notre initiative. On n'avait pas de nouvelles de la liste Rassemblée Saint-Étienne. C'est moi qui ai pris l'initiative de les appeler. On est allé à leur local de campagne, et en fait, la seule option sur la table de leur côté était le désistement. Il a tout de suite été clair que la fusion technique qu'on proposait était refusée. On n'a même pas eu le temps d'exposer cette idée qu'elle était déjà refoulée. Alors juste, Valentine Biercès, est-ce que vous pouvez préciser la fusion technique, sur quoi portait-elle exactement ? Alors, une fusion technique, en fait, ça permettait à M. Joannicot de conserver son programme. Et nous, on aurait eu un nombre de... Notre proposition, en tout cas, ça aurait été, si on avait pu en parler, d'avoir un nombre de colistiers et un nombre d'élus proportionnels à nos résultats, tout en siégeant dans l'opposition. La liste Rassemblée Saint-Etienne aurait eu la majorité, donc aurait pu porter son programme. Mais ça aurait permis d'avoir une seule liste à gauche et donc d'éviter à beaucoup d'électeurs un choix cornélien. ça permettait à la France Insoumise d'avoir des élus de manière, en respectant le résultat des urnes, donc les 13%, et à la liste Rassemblée Saint-Etienne de montrer un signe aussi d'union de la gauche qui est important pour le futur, et ça leur permettait de ne pas non plus renoncer à leur programme, parce que M. Joannicot avait dit ce sera notre programme et notre programme. La fusion technique ne les obligeait pas à faire des concessions programmatiques, et nous, ça permettait d'assurer la victoire à gauche. Et alors, pour être clair, à la proportionnelle, enfin vous disiez proportionnellement au résultat du premier tour, ce qui représentait combien d'élus assiégés effectivement sur cette liste éventuelle fusionnée de gauche pour LFI, qui avait donc obtenu 14% et près de 30% pour le PS. Alors, ça faisait 18 colistiers. Mais 18 colistiers, c'est pas 18 élus. Ça faisait 18 personnes sur la liste et ça faisait, je sais plus exactement, c'était 12 élus environ. Après, nous, ça, c'était une première proposition. En fait, le principe d'une négociation, c'est qu'on fait une proposition et il y a une contre-proposition, normalement, qui est faite en face. Et là, il n'y a pas eu de contre-proposition. Il n'y avait aucune volonté de fusionner. Donc, la proposition que nous, on amenait sur la table n'était pas discutée. Nous, on aurait pu discuter à la baisse si seulement négociation il y avait eu. Et ça aurait été au sein de la majorité municipale ? Parce qu'apparemment, ça n'a pas été très transparent depuis toute cette semaine et ces tentatives de discussion de début de semaine. De ce qu'on a pu comprendre, c'est que vous ne refusiez d'être dans la majorité municipale. C'était pas discutable non plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, notre proposition, c'était d'être dans l'opposition. Quand on a discuté... En fait, on nous proposait le désistement et on nous a dit, en échange du désistement, on peut rajouter certains points de votre programme. Alors nous, on a demandé lesquels. Il y avait des choses sur le logement, sur la démocratie, sur la Palestine. Donc on a dit, mais à ce moment-là, si vous intégrez ces éléments de programme, nous, on est prêts à siéger dans la majorité et à travailler avec vous. Et là, on nous a rétorqué, par contre, si vous êtes dans la majorité, c'est sans vos éléments programmatiques. Donc ça n'avait plus aucun sens. D'accord. Alors, à nouveau, c'est pas très clair. Parce que dès la nuit de dimanche à lundi, on recevait un communiqué de votre part indiquant qu'il n'y avait aucune discussion possible et que vous partiez chacun respectivement sur vos listes respectives, candidatures respectives. Ensuite, lundi, on entend que désistement impossible, mais peut-être fusion technique à discuter. Ça refusait non plus. Et puis le mardi après-midi, avant le dépôt des candidatures le mardi soir, on entend qu'il y a un accord politique éventuel possible avec discussion sur des éléments de programme. Justement. Pas du tout. Non, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Absolument pas. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Lundi, c'est dimanche dans la nuit que nous on a essayé de négocier. Et en fait, il y a eu, pour faire simple, le PS a refusé de négocier. Il a dit non, il y aura pas de fusion quelle qu'elle soit. Le lundi, c'était toujours pareil. On n'a pas rediscuté le lundi. Et le mardi, nous on a eu des échos selon lesquels certains membres de la liste Rassemblée Saint-Etienne voulaient la fusion. Donc on s'est permis de rappeler Monsieur Joannicot. Et il n'a toujours pas été question de fusion de leur part. Mais d'accord politique. D'accord, oui, un accord politique où en fait ils nous proposaient d'être d'accord avec leur programme, mais en maintenant notre liste et sans nous désister. Ça n'a aucun sens. Si c'est pas clair, c'est parce que leurs propositions n'ont pas de sens. Alors, malgré tout, ce qu'on peut effectivement peut-être regretter, je ne sais pas quel est votre état un peu d'esprit aussi vis-à-vis de ce qui vient de se dérouler, parce que ce qui est noté aussi, c'est que ce sont des accords profonds et qui n'allaient pas se résoudre en 24 heures et que cela résulte depuis plusieurs mois maintenant et puis depuis peut-être d'autres échéances passées. C'est un peu regrettable. On a vu, certes, des orientations nationales qui n'ont pas été toujours respectées localement et on l'a vu, c'est une dizaine quand même de villes importantes en France qui ont réussi cet accord et cette union finalement de la gauche. Eh bien oui, nous on aurait aimé qu'il y ait une fusion, effectivement, et on a essayé d'en discuter, on a eu un refus de la part du PS, donc je pense qu'ils doivent assumer l'entière responsabilité de ce refus. C'est la manière la plus simple de le dire. Ils ont invoqué un manque de confiance. Bon, ben là, vu la situation politique actuelle, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Oui, on peut avoir, on a des désaccords, ça c'est certain, et même des désaccords profonds. Néanmoins, face à la droite et à l'extrême droite, il me semble que ça aurait été raisonnable, effectivement, de fusionner comme ça a été fait, vous l'avez dit, dans de nombreuses villes. Oui. Et le fait que ce n'ait pas été fait, avec ce risque de voir l'extrême droite et la droite passer, importante à Saint-Étienne, est-ce que vous vous êtes interrogé à un moment donné de vous dire, oui, est-ce que l'enjeu, il est là d'empêcher, effectivement, de faire front antifasciste et d'empêcher l'extrême droite de passer et donc de se retirer en termes de responsabilité, justement? En fait, un désistement n'entraîne pas nécessairement un report de voix. C'est pour ça qu'on s'est maintenu. En fait, un désistement, ça aurait entraîné plus d'abstention et donc encore une fragilisation de la démocratie. Et là, les premiers résultats, qui ne sont pas définitifs, le montrent. En fait, les personnes qui ont voulu faire barrage, les personnes qui avaient voté pour nous, mais ont estimé plus urgent de faire barrage, ont voté pour M. Joannicot. Et notre électorat, que je remercie, ne se serait de toute façon probablement pas déplacé si on avait retiré notre liste, et donc c'est important pour nous d'être représentés pour que tous les Stéphanois et toutes les Stéphanoises se sentent au moins un petit peu représentées au conseil municipal. Quel retour vous avez eu malgré tout sur le terrain cette semaine dans cette campagne d'entre-deux-tours? Est-ce que vous avez entendu, parce qu'on a entendu beaucoup de déceptions quand même ici et là, et notamment finalement un peu de cuisine et de tambouille un petit peu interne et de se dire mais c'est pas possible, à nouveau une gauche n'arrivait pas à s'entendre avec des listes qui défendre néanmoins l'Union, la Réunion. Quel retour peut-être vous avez eu et quel bilan peut-être vous allez pouvoir en faire? Non, mais je vais vous dire la même chose que j'ai dit sur ICI jeudi matin. Monsieur Joannicot a pris la parole, a dit oui, moi je suis traditionnellement pour l'Union. Bon, en 2022, c'est lui qui a été dissident de la NUPES quand même. Traditionnellement, non, il n'est pas unioniste dans les faits. Il peut bien le dire, mais les faits montrent autre chose. Et là, encore une fois, je le répète, pour faire simplement, nous on a voulu la fusion, ils ont refusé. C'est ce qu'on peut dire de plus simple si on ne veut pas rentrer dans les détails. Donc, je le regrette. Après, sur le terrain, on a eu des bons retours. On a des personnes qui nous ont remercié de nous maintenir, d'autres qui ont regretté la fusion, mais qui ont compris où se situait la responsabilité. Il y en a beaucoup. Voilà, on a quand même fait une belle campagne sur la dernière semaine. On est resté mobilisés, y compris des personnes qui n'avaient pas voté au premier tour. On dit qu'elles se déplaceraient au second tour. Et rien que ça, c'est déjà une victoire au vu des taux d'abstention. Abstention importante au premier tour, a priori un petit peu au-dessus sur ce second tour, mais ce serait peut-être un point éventuellement, ça reste très faible. Oui, l'abstention reste majoritaire et il faut absolument réussir à lutter contre l'abstention. À nouveau, je ne veux pas être à charge, mais est-ce que vous ne pensez pas que ces désaccords, ces tentatives vaines d'union aux enjeux, malgré tout aujourd'hui, d'une extrême droite galopante et montante, de fabrique d'abstention justement de par ces échecs et ces, de ces désunions finalement qui restent présentes? D'où la nécessité de maintenir notre liste, parce que ça aurait entraîné, comme je l'ai déjà dit, beaucoup plus d'abstention. Et moi, je connais y compris des personnes qui avaient voté pour la liste de M. Joannicot au premier tour, qui ont dit « il a refusé la fusion, je suis dégoûtée, je ne retournerai pas voter pour lui au deuxième tour ». Et ça, oui, effectivement, ça provoque de l'abstention, malheureusement. Est-ce que vous avez un peu d'appréhension ce soir quant au résultat et de vous dire « tiens, attention, si la droite, voire plus ». Sur ce second tour? Non, il n'y a aucun risque. Monsieur Joannicot est très largement en tête. Les premiers résultats le montrent, il n'y a aucun doute. Alors, je vais peut-être finir avec une question ou deux. C'est la suite. Qu'est-ce que vous espérez de ce second tour et de votre place au sein de cette nouvelle assemblée municipale? Oui, alors là aussi, c'est certain que je serai personnellement à ce conseil municipal. La question reste de savoir combien de mes colistiers pourront siéger avec moi. J'espère le plus possible, évidemment. Nous, on aura un rôle de transparence sur le conseil municipal. On fera des réunions publiques pour exposer ce qui s'y déroule, ce qui est proposé par la majorité, ce qu'on vote ou non, et pourquoi, on l'expliquera à chaque fois. On a vraiment ce souci de transparence, d'implication des citoyens et des citoyennes. On sera là pour surveiller ce qui s'y passe, et on pourra aussi, y compris en tant que groupe d'opposition, proposer des délibérations conformes à notre programme. Et ma dernière question portait sur, il s'agit aussi d'élections métropolitaines, et donc il y a aussi cet enjeu-là quand même là, qui se joue là, avec ce second tour. Oui, tout à fait. Bon, c'est un peu un troisième tour. Chaque chose en son temps. On va déjà terminer la campagne pour la mairie et bientôt, effectivement, il y aura les élections à la métropole. C'était un petit peu votre appréciation générale, parce que ce qu'on voit quand même, c'est une tendance à droite hein, sur le département hein, et sur du coup l'essentiel des communes, c'est-à-dire les plus de 50 qui composent la métropole. Oui, alors effectivement, une grande partie des programmes municipaux ne peuvent être qu'appliqués qu'avec le soutien de la métropole, et c'est un problème parce que en fait la métropole, c'est très mal connu des citoyens et des citoyennes, ça éloigne la prise de décision de la population. Donc nous, il nous semble qu'il faudrait plus rendre des compétences aux mairies par rapport à ces métropoles, ou alors qu'il y ait beaucoup plus de transparence sur les activités métropolitaines. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas où se situe le siège de la métropole, quand ont lieu les réunions. Donc nous, si on parvient à avoir des élus à la métropole, là encore, on fera toute la transparence sur son fonctionnement. Valentine, merci à l'instant pour Saint-Étienne Insoumise, donc, qui était candidate pour ces élections municipales à Saint-Étienne, au micro de Duo hier soir. Vous l'avez entendu, avec ces difficultés d'entre-deux-tours, hein, de ce qui a aussi animé cette campagne d'entre-deux-tours, cette impossible union de la gauche, en tout cas entre la liste emmenée par Régis Juanico et la liste emmenée par Valentine Mercier, avec néanmoins cette intention de rassembler. la liste Régis Juanico porte même... avec force cette intention, rassembler Saint-Étienne et faire barrage à la droite, à l'extrême droite, mais voilà, aboutit ce jeu finalement assez dangereux hein, du maintien de ces deux listes de gauche au risque d'une division perdante en lieu et place d'un rassemblement gagnant. Finalement, ce fut une division gagnante. Donc bon, Saint-Étienne s'en sort plutôt bien, ce qui ne fut plus le cas d'ailleurs dans certaines autres villes françaises. En tout cas, l'union... Mais voilà, ce sera peut-être un travail à mener au long cours, avec aussi d'autres échéances prochaines. Et bien sûr, tout le monde a aussi 2027 en tête. En tête, justement, hier, pour ces élections municipales à Saint-Étienne, ce fut Régis Juanico. Alors, retour néanmoins sur ces résultats un peu plus en détail. Et nous parlions avec Valentine Mercier à la fin de cet entretien sièges également à pourvoir du côté de l'agglomération, car ce fut aussi une sorte de double élection, hein, vous le savez, entre les élections municipales et communautaires. Alors retour justement sur ce qui est en jeu et ce qui va se profiler d'ici les prochains jours, même si tout cela est encore à prendre avec peut-être prudence en ce lendemain d'eux. Donc nous sommes à chaud aussi sur ces réactions et ces élections municipales à l'issue de ce second tour. Alors Valentine Mercier, eh bien pour l'ensemble, hein, les quatre candidats, ce fut un gain de voix hein, tout de même un peu à la hausse sur ce second tour. Certains candidats avec une réserve de voix un peu plus importante que d'autres. Valentine Mercier a obtenu un peu moins qu'au premier tour, 10,44% des suffrages exprimés. Dino Cinieri pour la liste de droite est arrivé en troisième position avec 18,75% des suffrages. C'est une défaite assez cuisante hein, pour Dino Cinieri après avoir perdu Firmini, comme je le disais, dans Londres, hein, où il a été présent à de nombreuses reprises et pour plusieurs mandats. Eh bien, il a essuyé ce revers assez cuisant à Saint-Étienne, en effet, et où il a maintenu cette troisième place au second tour, distancé de, alors on va y revenir plus en détail aussi, mais de plus de 25 points par Régis Juanico, et qui a donc bénéficié à minima hein, des reports de voix des autres listes de droite sortantes, et c'est le cas de le dire, hein, on pense à Éric Le Jaouin, on pense à Marc Chassot-Béné ou encore à Siam Labiche. En deuxième position, et pour poursuivre sur ces résultats stéphanois, c'est là le Rassemblement National hein, qui fait une percée assez fulgurante. On a eu les résultats aussi au niveau national, mais c'est le cas également à Saint-Étienne, avec pour ce second tour 26,68% des suffrages exprimés. Le RN qui est donc de retour au conseil municipal de Saint-Étienne, le FN qui avait perdu ses 3 sièges, c'était à la fin du premier mandat de Gaël Perdriau en 2020, vont être de retour plutôt en force hein, au sein à la fois de l'Assemblée municipale et métropolitaine d'ailleurs. Et puis donc en tête, avec presque 7000 voix gagnées au premier tour, c'est Régis Juanico qui est arrivé en tête hier avec 44,13% de voix. Voilà, il faut aussi relativiser ces données et ces chiffres avec un taux de participation important, 50,62%, 49,38% pour l'abstention. Je rappelle qu'en fait, Régis Juanico a été élu avec 19 493 voix, hein, 11 786 pour Corentin Jousserand, 8284 voix pour Dino Cinieri ou encore 4610 voix pour Valentine Mercier. Voilà, tout cela sur un total de 88 747 inscrits. Voilà, c'était aussi important de le préciser pour être exhaustif d'ailleurs dans les résultats. Ce fut 0,90% de vote blanc et 0,78% de vote nul. Au-delà des résultats et des gagnants et semi-gagnants de ce deuxième tour, retour en effet sur ces sièges à pourvoir, je le disais. Alors on a quelques données là, hein, désormais, puisque je le rappelle, pour le conseil municipal, ce sont 59 sièges qui sont à pourvoir, 42 sièges à pourvoir du côté de Saint-Étienne Métropole. Alors les comptes ont été plus ou moins faits, ce que je peux vous dire à ce jour et cette heure, c'est que la liste de Régis Juanico obtiendrait 43 élus au conseil municipal, 8 élus Rassemblement National au conseil municipal, 5 élus de droite derrière Dino Cinieri, et Valentine Mercier siégera bien, comme elle le disait dans son entretien au conseil municipal, avec 2 de ses colistiers. Ils seront 3 élus pour la France Insoumise au conseil municipal. On obtient là donc le total des 59 sièges pour l'Assemblée municipale. Du côté de la métropole, 42 sièges à pourvoir, je le disais, ce serait 30 sièges pour la liste Juanico, 6 sièges pour le Rassemblement National, ce qui est une première pour le Rassemblement National présent du côté de Saint-Étienne Métropole et de l'agglomération, 4 sièges pour la liste de droite centre-droit Cinieri et 2 sièges pour la France Insoumise donc, et Valentine Mercier. Voilà pour ces données déjà dans un premier temps et en premier lieu. Alors, on va poursuivre avec cette liste gagnante hier, celle derrière Régis Juanico, qui, tout comme la droite, alors on le disait, était union partielle à gauche. D'ailleurs, la liste et Régis Juanico, en l'occurrence, vient de réagir au décès de Lionel Jospin, ancien Premier ministre, qui a salué justement aussi cette certaine idée de la gauche représentée par Lionel Jospin, cette gauche de gauche, cette gauche de transformation sociale, cette gauche de gouvernement, cette gauche qui ne renonce pas à agir. C'est ainsi hein, qu'est présenté cet hommage à Lionel Jospin par Régis Juanico, mais qui surtout rappelle cette gauche plurielle entre 1997 et 2002, qui a démontré que lorsque la gauche est unie, elle est capable de changer profondément la société, et voilà qui fait étrangement en effet écho hein, à finalement le contexte politique actuel. Et juste pour terminer cette parenthèse d'ailleurs, Lionel Jospin et cet hommage de Régis Juanico à l'ancien Premier ministre, Régis Juanico a rappelé qu'il a participé au sein de l'équipe nationale du Mouvement des Jeunes Socialistes, animé par Benoît Hamon, à l'organisation de meetings de la campagne présidentielle présidentiel de 95 et à la dynamique exceptionnelle qu'il a portée et a été donc président de ce mouvement des jeunes socialistes de 95 à 97. Et Lionel Jospin avait confié à Régis Juanico la responsabilité de la campagne jeune lors des élections législatives victorieuses de mai 97 à la suite de la dissolution décidée par le président Jacques Chirac. Voilà pour cette parenthèse, mais retour sur cette gauche, alors voilà, plurielle, mais partiellement unie, sans la France insoumise, donc, derrière Régis Juanico pour ses municipales à Saint-Étienne, avec donc le Parti Socialiste, et je le rappelle, c'était 10 forces politiques de gauche derrière Régis Juanico, pour les rappeler, les citer, les radicaux de gauche, Saint-Étienne Demain, Génération, Nouvelle Donne, le Parti Animaliste, Génération Écologie, Place Publique, le Parti communiste, les écologistes et donc les socialistes. Et c'est les écologistes que l'on va retrouver là via la voix de Julie Tocqui, là aussi avec qui nous sommes entretenus hier en préfecture, qui est aussi une conseillère municipale sortante. Donc l'occasion de la retrouver au micro de Dio tout de suite sur le 895. Voilà, avec Julie Tocqui pour réaction sur ces résultats de ce second tour quand même. C'est un soulagement ? Ah oui, évidemment un soulagement. La très bonne nouvelle, c'est qu'on on est devant les forces de droite. Ça, c'est vraiment la grande victoire. Et que l'entièreté de l'ex-équipe de Gaël Perdriau, en fait, n'est plus là. Parce que même la liste de Cinieri, qui était présentée comme une nouvelle liste de droite, recyclait quand même un certain nombre d'anciens élus de M. Perdriau. Et ça, c'était tout à fait délétère d'imaginer qu'on pouvait encore avoir à la mairie des personnes qui ont trempé dans cette affaire de près ou de loin. Alors, vous avez connu, vous êtes de cette municipalité sortante, effectivement, donc j'imagine qu'il y a une certaine forme de réjouissement, forcément, avec cette victoire de ce soir, sauf qu'on voit quand même une extrême droite, là, qui est très importante et qui va occuper aussi largement les bancs de l'Assemblée municipale. Oui, et c'est bien là-dessus aussi, quand même, qu'on ne va pas non plus exulter de cette victoire-là, dans le sens où le Rassemblement national devient la deuxième force de droite à Saint-Étienne, ce qui est hyper inquiétant. Néanmoins, Nous avons toute la responsabilité de travailler au quotidien à Saint-Étienne pour montrer à l'ensemble, pas seulement les électeurs de gauche, mais à l'ensemble des Stéphanois et des Stéphanois, qu'une ville qui est de gauche et écologiste, et ben c'est une ville où on vit mieux, c'est une ville où on est dans un vrai vivre ensemble, où on peut préparer l'avenir dignement, et c'est une ville où le Rassemblement national n'est plus une option. Je pensais aussi à l'union de la gauche. Alors là, il y a eu cette liste unie. Vous êtes des écologistes aux côtés du Parti Socialiste, avec d'autres pour cette liste unie-là derrière Régis Juanico. Malheureusement, on a pu voir cette absence de fusion et d'union possible avec LFI, notamment cette semaine dans cet entre-deux-tours. Est-ce que véritablement les choses sont apaisées en termes d'union de gauche à Saint-Étienne et localement ? Alors c'est vrai que pour cette élection-là, on n'a pas réussi, malheureusement, à s'unir. Néanmoins, nous sommes tout à fait convaincus que LFI est une force de gauche, une force qui compte. Et bien sûr que si nous en avons l'occasion, à chaque fois que nous en aurons l'occasion, nous les investirons, nous les engagerons dans notre travail, bien entendu. Et pour ce qui est de vous, votre union, tiens, là, cette fois, c'est la victoire avec une ligne évidente, facile, qui se profile. Bah, on est très fiers en fait de cette union qui rassemble quand même 10 forces politiques différentes, nationales et locales. Ce qui nous a permis en fait de construire un programme qui est cohérent et qui justement s'intéresse aux différentes problématiques, aux différents points de vue. Donc quand on a 10 points de vue déjà, et ben forcément on avance encore plus dans l'intelligence et on arrive encore plus à proposer un projet qui correspond aux besoins du plus grand nombre d'habitantes et d'habitants. J'entendais Régis Juanico tout à l'heure dire de redorer un peu le blason aussi de la ville de Saint-Étienne avec ce qui s'est déroulé certes. Dans cet entre-deux-tours, ce qu'on a vu aussi, c'est cette absence d'union qui peut-être a un petit peu écorné l'image de Saint-Étienne à l'égard d'autres villes qui, elles, et importantes, ont pu réussir cette union très large des forces de gauche. Bah là, on va être vraiment concentré, justement, comme le disait Régis Juanico tout à l'heure, sur le fait de redorer l'image de la ville. Mais en fait, redorer l'image de la ville, c'est tout d'abord faire en sorte que les habitantes et les habitants se sentent mieux sur le territoire. Parce qu'une image qui rayonne, comme on aime à le dire aujourd'hui ailleurs en France, bah, c'est d'abord une ville qui est appréciée par ses habitantes et ses habitants. Et c'est les premiers ambassadeurs de cette ville, et bah, ce sont nos habitantes et nos habitants. Donc l'idée première, c'est vraiment de faire en sorte que chacun se sente bien dans la ville. Ouais. Je pensais aussi, juste deux dernières questions, c'est l'abstention qui reste très importante aussi à Saint-Étienne, enfin pas qu'à Saint-Étienne d'ailleurs, hein, au-delà. Oui, alors elle est très forte partout en France, mais c'est vrai qu'elle est très forte particulièrement à Saint-Étienne, mais c'est malheureusement peu étonnant, car déjà qu'il peut y avoir une crainte de la part des électeurs, des électrices partout en France vis-à-vis du sujet politique, à Saint-Étienne, avec l'affaire que nous avons vécue, évidemment que malheureusement ça éloigne les électeurs et électrices des urnes, et c'est bien pour ça que je vous disais tout à l'heure que notre challenge aujourd'hui, notre gros défi, ça va être de restaurer la confiance et de faire en sorte que chacun, chacune voit que dans une ville qui est de gauche et écologiste, et ben on vit mieux. Et ma dernière question portait au-delà des municipales. C'est aussi une élection qui porte sur l'agglomération. Ce sont aussi des élus communautaires qui sont concernés là. Donc là aussi, autre configuration, autre enjeu. On voit que la plupart des villes de l'agglomération ont très largement basculé à droite tout de même. Donc ça va un petit peu changer la donne en termes de métropole. Oui, tout à fait. Après, la ville de Saint-Étienne, on sait qu'elle arrive avec quand même beaucoup d'élus à la métropole. Et on espère qu'on va pouvoir faire pencher la balance de façon à pouvoir vraiment mener des projets qui soit cohérent pour le territoire, pas seulement pour Saint-Étienne, mais pour l'ensemble des communes de Saint-Étienne Métropole. Ça va être le quatrième tour. Le troisième tour, je dirais, ou presque, c'est l'élection du maire en tant que tel. Quand est-ce que cela va avoir lieu prochainement? Vous avez déjà les dates en termes de calendrier là? On n'a pas fixé exactement les dates parce qu'il faut qu'on puisse échanger avec l'ancienne équipe municipale auparavant pour pouvoir fixer la date avec eux, puisque forcément, ils ont encore le calendrier administratif. Mais ça va être fait dans les prochains jours, oui. Dans les prochains jours, une première et nouvelle séance de conseil municipal. Oui, et ce qu'on prévoit justement pour cette première séance de conseil municipal, c'est d'avancer avec des marqueurs forts comme par exemple des marqueurs qui puissent rassurer en termes de probité, de façon à ce que les Stéphanoises et Stéphanois voient réellement que ce soit vraiment un changement de braquet, qu'on n'est plus dans un système pyramidal comme ce qu'on a vécu pendant 12 ans. Julie Toki à l'instant sur le 895 de Dio en réaction hier en préfecture à l'issue de ce second tour de ces élections municipales qui a vu la victoire donc de Régis Juanico, retour de la gauche aux manettes de la ville à Saint-Étienne pour ce second tour, ce qui a amené à quelques réactions. Vous l'avez entendu, alors bien sûr, tout cela va se mettre en place très prochainement. Je le disais, l'heure est à l'installation officielle des nouveaux, parfois conseils municipaux de ces nouvelles assemblées, de leur composition. Ce sera le cas très prochainement à Saint-Étienne, cela est encore à discuter. Mais justement, réaction, il y a eu aussi de l'actuel maire de Saint-Étienne. Je le rappelle, il s'agit de Jean-Pierre Berger, qui a rappelé donc que les Stéphanois et Stéphanoises ont tranché et ont placé en tête la liste Rassemblée Saint-Étienne conduite par Régis Juanico, qu'il félicite par ailleurs. Félicitations républicaines, qui rappelle les données et résultats divers des autres candidats qui étaient en lice, et puis qui a rappelé également le malheureux événements qui a marqué ce second tour des élections municipales hier, marqué en effet par le décès d'un assesseur suite à un arrêt cardiaque, et ce malgré l'intervention rapide des services de secours. Il s'agissait d'un colistier d'ailleurs du candidat RN Corentin Jousserand, et ce fut d'ailleurs trois décès qui ont été à noter lors de ces élections municipales, trois décès en bureau de vote sur différentes villes. Je crois qu'il y a eu Annecy, Carcassonne et Saint-Étienne, justement. En tout cas, Jean-Pierre Berger poursuit dans sa réaction et son communiqué à l'issue de ce second tour, et bien justement à la possibilité cette semaine, fin de semaine en tout cas. En tout cas, il doit rencontrer aujourd'hui, cet après-midi, l'équipe de Régis Juanico. Rendez-vous est donné, il me semble, c'était évoqué hier soir, à partir de 14h30 cet après-midi, pour faire un point sur les dossiers de la commune, les projets en cours à la ville de Saint-Étienne, et puis organiser cette transition municipale après deux mandats à Perdriau, dont il s'agit, Julie Toki l'a rappelé, de tourner la page. Régis Juanico l'a rappelé aussi. Je ne sais pas de quelle façon on va se tourner cette page. On sait qu'il y a encore finalement en toile de fond des choses qui restent présentes, bien sûr. Régis Juanico avait, je le rappelle, au conseil municipal du 13 octobre 2025, par exemple, porté plainte pour diffamation contre Gaël Perdriau. Gaël Perdriau, l'ancien maire, en effet, l'avait accusé de faux témoignages devant la justice. Bref, on verra ce qu'il en est. En tout cas, l'avenir est aussi envisagé de façon la plus constructive possible pour Saint-Étienne et ses habitants et habitantes. C'est toute l'intention qui a été évoquée et rappelée hier soir à de multiples reprises, avec un rappel de cette maison des peuples qu'est l'hôtel de ville et la mairie de Saint-Étienne, ouvert à tous et toutes. En tout cas, Jean-Pierre Berger a rappelé en tant qu'actuel maire qu'il s'agira donc de décider du jour de la passation de pouvoir qui devrait avoir lieu entre ce vendredi, samedi et dimanche, voilà, 27, 28 ou 29 mars. On reviendra sur d'autres réactions encore, mais auparavant, bien celle bien sûr du gagnant qui eh bien donc est le nouveau maire de la ville de Saint-Étienne, en l'occurrence Régis Juanico, que je vous propose de retrouver de suite. Oui, c'est une victoire large. Je pense que ce soir, nous avons redonné la fierté collective aux Stéphanoises et aux Stéphanois. Nous avons tourné la page de ces années qui ont privé quelque part nos concitoyens ici dans la ville de Saint-Étienne, de simplement de la fierté collective par rapport au niveau national. Et donc, dès demain, avec mon équipe, nous allons nous mettre au travail. Nous avons des urgences. L'urgence de redonner vie au centre-ville avec un plan par rapport au commerce, par rapport à l'animation de notre ville. Et puis aussi, derrière, redonner confiance à la fois aux habitants. Nous allons proposer un certain nombre de mesures, de probité, d'exemplarité au prochain conseil municipal en particulier, pour aujourd'hui restaurer cette confiance qui a été perdue ces dernières années dans notre ville. Et puis aussi restaurer la confiance avec les agents de la ville de Saint-Étienne. Et donc dans les prochains jours, j'aurai l'occasion de pouvoir m'en entretenir avec le maire sortant, M. Jean-Pierre Berger, demain. Nous allons demander la possibilité de rencontrer les agents de la ville de Saint-Étienne, dont vous savez qu'ils ont beaucoup souffert ces dernières années au niveau des conditions de travail. Et nous souhaitons échanger en direct avec eux, échanger avec eux sur leur métier, redonner du sens à leur mission. Ce sont les premiers ambassadeurs de la ville de Saint-Étienne pour les services publics locaux. Et puis très très vite aussi, prendre des décisions pour relancer notre ville. Voilà, il y a plein de projets, il y a plein d'atouts dans cette ville. Et nous allons demander à chacun de nous faire des propositions. Et nous serons très à l'écoute. Écoutez, là, voilà, vous savez, dans une élection municipale, comme toute élection, il y a un premier et un second tour. Je crois que le verdict ce soir nous donne entièrement raison, et nous avons tout simplement souhaité, par rapport à l'élection du premier tour et du second tour, avoir la clarté, la cohérence, mais aujourd'hui nous allons travailler aussi avec les forces de gauche dans cette ville, et LFI rassemble un certain nombre d'électeurs, plus de 10% ce soir, et bien évidemment que nous aurons des possibilités de travailler en commun, comme avec les autres groupes d'opposition. Écoutez, aujourd'hui, c'est un jour particulier, endeuillé. C'est très rare d'avoir un assesseur qui décède dans un bureau de vote le jour des élections. Il était aussi colissier sur la liste de M. Jousserand. Donc c'est bien évidemment, dans cette journée, nous avons une pensée pour la famille, pour les proches de ce colistier, de cet assesseur. Nous avons souhaité aussi dire à tous les assesseurs, tous les présidents de bureaux de vote, les personnels aussi de la mairie de Saint-Étienne qui tenaient les bureaux de vote aujourd'hui, que leur engagement était essentiel. Certains d'entre eux, vous le savez, ont été ébranlés et à raison, hein, parce qu'il s'est passé sur le bureau de vote Jules Ferry. Et donc, ce soir, j'ai simplement présenté mes condoléances à Monsieur Jousserand. La question se posait aussi de la principale force d'opposition aussi aujourd'hui, qui est celle de l'extrême droite présente à l'Assemblée municipale. Oui, mais nous serons sans concession. Toute notre histoire collective, puisque c'est une liste, hein. Moi je suis juste l'animateur, le tête de liste, mais vous avez derrière moi bien évidemment toute la pluralité de la liste rassemblée Saint-Étienne. Toute notre histoire démontre que nous sommes le meilleur rempart aujourd'hui face à l'extrême droite, face au Rassemblement National. Nous voyons ce qui se passe dans le pays et je peux vous assurer que bien évidemment notre priorité ce sera relancer Saint-Étienne, relever la ville, mais dans les prochains mois nous ferons ce qu'il faut aussi pour que le Rassemblement National ne puisse pas progresser dans ce pays. Je n'ai pas de surprise particulière. Je pensais que nous allions amplifier la dynamique électorale du premier tour. Je ne m'attendais pas forcément à ce que le Rassemblement National soit en seconde position devant la droite républicaine. Mais finalement, vous savez, les électeurs stéphanois, ils se sont prononcés. Et je pense qu'il faut respecter le vote des électeurs. La première chose, vous savez, c'est de respecter les Stéphanoises et les Stéphanois. Nous allons leur redonner le pouvoir dans les conseils de quartier. Nous allons leur redonner le pouvoir pour tous ceux qui ont des projets pour notre ville. Ma priorité, ma préoccupation pour les prochaines semaines, ce sera que l'on parle de Saint-Étienne en positif dans les médias nationaux. Voilà, c'est mon premier engagement. Merci. Et voilà la réaction de Régis Juanico à l'issue des résultats de ce second tour hier, et donc qui est le grand gagnant de ces municipales 2026, nouveau maire de la ville, ou très prochainement, vous l'avez entendu, passation de pouvoir d'ici cette fin de semaine pour cette équipe d'union de la gauche derrière Régis Juanico, qui entend élargir l'union, en tout cas ce travail d'union. On le sait, la gauche était partie divisée au-delà de Régis Juanico, la France Insoumise donc, c'était également Romain Brossard et Lutte Ouvrière également, qui étaient présents pour ces élections municipales, notamment pour le premier tour. Alors diverses réactions à l'issue de ce second tour encore, je voulais juste revenir sur ceux qui vont aussi siéger dans l'opposition aujourd'hui, notamment derrière Dino Cinieri qui nous a fait parvenir également un communiqué réaction à l'issue de ce second tour et qui ressent une profonde tristesse, je cite, pour Saint-Étienne, qui reste convaincu que la ville méritait un autre cap et une autre ambition, mais voilà, qui force est de constater les électeurs électrices ont fait un choix, un autre choix, et en démocratie, ben, il s'impose à tous. Alors, il regrette également le niveau de participation qui n'a pas permis une mobilisation à la hauteur des enjeux. Il salue néanmoins la victoire de Régis Juanico et puis remercie l'ensemble de ses électeurs et de ses soutiens qui va se poursuivre en termes de mobilisation pour défendre donc leurs convictions au conseil municipal de Saint-Étienne. Et puis en autre réaction, et ça on l'a peu évoqué, c'est vrai que avec la défaite de Siam Labiche également au premier tour, qui n'avait pas donné de consigne de vote, ce qui était là aussi, alors petit sursaut et surprise dans cet entre-deux tours, Horizon emmené par Le Jaouin, Éric Le Jaouin n'avait pas donné de consigne de vote, en tout cas localement, mais le Parti National encouragé à soutenir la droite, finalement, revers, Éric Le Jaouin soutenait bien et appelait, en tout cas, donnait comme consigne d'appeler et appelait à voter pour la liste de droite et Dino Cinieri. Marc Chasseau-Bénet également, mais du bout des lèvres. Et celle qui n'avait pas donné de consigne de vote issue de la majorité sortante, c'est Siam Labiche, qui, elle aussi, a réagi à l'issue de ce second tour et de ses résultats à Saint-Étienne, qui rejoint les mêmes idées, les regrets en termes de niveau d'abstention, le peu de participation et qui notamment par contre entend poursuivre finalement l'histoire et l'aventure en restant mobilisé avec un nouveau groupe politique qu'elle a fondé, Cœur Stéphanois, issu de sa liste, et donc qui va défendre et développer à nouveau ce projet qui compte déjà a priori des centaines d'adhérents et donc envisage de contribuer à construire encore l'avenir du territoire stéphanois. Voilà pour ces diverses réactions. Régis Juanico néanmoins donc en place ou très prochainement pour quelques années, puisque vous savez que ça risque d'être un mandat un peu exceptionnel, initialement prévu jusqu'en 2032, mais qui pourrait être prolongé jusqu'en 2033, donc un mandat assez exceptionnel de 7 années. 7 années pour ces mandats municipaux, puisque c'est un calendrier un peu électoral particulier et particulièrement chargé qui pourrait conduire à ce report. On sait qu'il y a d'autres élections aussi d'ici là, 2027, 2032, bien entendu. Bref, tout cela sera encore à confirmer en termes de décision et de loi sur ce point. Poursuivons encore et terminons ce programme qui décidément passe très très vite. On va laisser quitter Saint-Étienne en tant que tel. On va avoir l'occasion dans ces prochains magazines bien sûr de suivre cette actualité politique importante finalement dans cette période de transition, de prochains conseils, etc. qu'on va tenter de suivre à nouveau et de vous rendre compte au mieux. Nous poursuivons et laissons Saint-Étienne avec une situation un peu exceptionnelle. Alors, non pas sur les retours de résultats d'autres communes, ce serait fastidieux avec 320 communes dans la Loire, enfin 320 moins 4. Et oui, car il y a 4 communes qui n'ont pas connu d'élection municipale en 2026. Enfin en tout cas sur ces deux tours des 15 et 22 mars. sans doute très prochainement. Alors justement, ce fut l'occasion hier de faire un petit point et un éclairage apporté par les services de la préfecture justement sur cette situation assez particulière, voire inédite. On en parle d'ici un instant. Donc Dominique Schuffenecker, le secrétaire général de la préfecture. Alors, focus là forcément sur les 8 villes concernées par ce deuxième tour des élections municipales dans la Loire, avec les résultats qui sont quasi confirmés et définitifs pour l'ensemble des villes. Saint-Étienne reste encore partiel, mais c'était l'occasion de vous rencontrer pour faire le point sur les villes qui n'ont pas de maire, les communes qui n'ont pas de maire sur le département de la Loire, qui comptent 320 communes. 316 ont été concernées par ces élections, puisque 4 n'avaient pas de liste et donc de candidats-candidates pour ces municipales. Et donc l'occasion était de vous demander quand même comment se passe et se gère une commune sans premier magistrat, magistrate. Alors donc il y en a deux à Montbrison et puis deux à Rouen, donc ça fait 4 communes. Et puis donc on avait anticipé la mise en place de délégations spéciales, donc composées de 3 fonctionnaires, en général des fonctionnaires à la retraite. Donc il y a une délégation spéciale qui s'occupe des 2 communes qui n'ont pas de maire du Montbrisonnais et puis 2 qui s'occupent des 2 communes du Rouennais et qui ont été installées d'ailleurs la semaine dernière et qui vont rester donc 3 mois en place au moins. Et il faut entre-temps, il y aura de nouvelles élections, et il faut entre-temps qu'il y ait un conseil municipal qui soit élu, parce qu'on parle souvent de fusion, mais cette fusion avec une autre commune n'est possible que s'il y a un conseil municipal. Et alors ces élections auront lieu le 31 mai. Donc nouvelles élections municipales. Donc là, il s'agit qu'il y ait quand même aussi là, des candidats-candidates et donc des listes constituées. Tout à fait. Alors d'après nos informations, on en a déjà à peu près 3 communes sur les 4 qui auront une liste, quoi. Donc on espère que la 4e en aura aussi, de façon que la démocratie gagne, quoi, si je puis dire. Qu'est-ce qui a fait que ces listes n'ont pas pu se constituer en temps et en heure, quoi, finalement? Oh, en général, ce sont des mésententes entre les listes ou alors des problèmes épineux. Je sais qu'à Gumien, par exemple, il y a l'histoire des éoliennes, le projet Lyon, et puis il y avait aussi l'école qui a créé la discorde. Mais les choses devraient revenir à leur place, si je puis dire, puisque je pense que si ces communes avaient eu quelques temps encore, elles auraient pu avoir une liste au moins. Ce qui veut dire que là, on est sur des petites communes, hein, Saint-Paul, Noyeux, Artin, Gumière, voilà, ce sont les 4 communes concernées, donc des petites communes, je ne sais pas en nombre exact d'habitants, hein, mais ce sont des petites communes. J'imagine qu'on se profile vers une seule liste qui va se présenter, s'il n'y en avait même aucune pour cette échéance-là. Celles qui se préparent à venir vont pouvoir être composées que d'une seule liste et dans les règles de l'art, c'est-à-dire parité avec toutes les nouvelles législations en cours. Tout à fait, dans les règles d'aujourd'hui, hein, si je puis dire. Mais d'après nos informations, donc il y en a au moins déjà 3 sur 4. Donc les choses s'annoncent bien. Si par malheur il ne devait pas y avoir de liste, la délégation spéciale continuerait pendant au moins 3 mois et en faisant la même chose. En faisant la même chose et puis en espérant jusqu'à qu'il y ait une élection et une liste constituée et en place. Exactement. Bon, en général, bon, au bout de 6 mois, il y a une liste, hein, on n'a pas d'inquiétude. Hein. Mais d'accord. Je vous dis, 3 sur 4, a priori, c'est bon. Donc là, c'est une délégation spéciale des services de l'État. Parce que la question se posait de savoir si c'était aussi au niveau des agglomérations, des communautés de communes, qui aussi pouvaient avoir pouvoir finalement aussi un petit peu de suivi et gestion des affaires courantes. Mais ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. C'est vraiment juste les petites communes qui donc n'ont pas eu de liste, et donc 4 sur la Loire, sur 68 au niveau national. Ce qui est quand même malheureusement un bon score, si on peut dire. Oui. Et alors justement, on parlait des règles en vigueur pour ces élections 2026. Quel constat un petit peu, et peut-être bilan là à chaud, hein, à l'issue de ce deuxième tour, ou presque, vous faites de ces nouvelles règles? On a vu beaucoup de communes, hein, avec une seule liste, ce qui, parfois, on a pu l'entendre ici et là, a pu favoriser aussi l'abstention, finalement, parce que une démocratie pas très vigoureuse. Oui, on peut le penser, puisque, comme vous le savez, le taux d'abstention est assez élevé, hein, particulièrement dans la Loire. Hein, on a un score élevé d'abstention et qui peut s'expliquer par le fait que, bon, déjà, quand, dans la plupart des communes, il n'y a qu'une seule liste et donc il n'y a absolument aucun enjeu. Et l'enjeu qu'il y avait avant, c'était de rayer le fameux panachage, de rayer ceux qu'on ne voulait pas voir élus. Et maintenant, on ne peut plus faire. Donc beaucoup de citoyens ont dit « ça ne vaut pas la peine de voter ». On peut le penser, j'en sais rien encore, c'est trop tôt pour le dire, mais on peut le penser, oui. Oui. Avec aussi certaines communes, je ne sais pas si c'était le cas pour les 4 là concernés notamment, de difficultés de constituer des listes avec cette parité imposée. Oui, ça. Alors là, on entend deux écoles. Hein. Il y a une école qui dit que cette parité n'est pas gênante du tout, et l'autre qui dit qu'elle est compliquée à mettre en œuvre pour les petites communes. Est-ce qu'il n'est pas l'écho que vous avez entendu de la difficulté pour ces quatre communes-là de la Loire concernées ? Non, pas vraiment. Ce sont plutôt des discordes locales quoi, qui ont expliqué cette situation. Voilà, des discordes locales qui ont amené à cette situation, c'est-à-dire de ne pas avoir pu présenter de candidat-candidate pour ces élections municipales. Quatre communes dans la Loire, donc, vous l'avez entendu, 68 au niveau national, mais ça devrait être résolu d'ici quelques jours, quelques semaines. Vous l'avez entendu, c'est déjà le cas pour 3 sur 4 de ces communes et ces prochaines élections prévues d'ici fin mai. Mais voilà, c'est une situation assez exceptionnelle et assez inédite qu'on souhaitait aussi souligner pour boucler et terminer ce programme. Et bien voilà pour ce spécial élection municipale 2026. On aura l'occasion, je le disais, de revenir sur ces actualités dans les mags prochains. Nous allons terminer très rapidement en musique pour boucler définitivement. Elle est en actu très proche. On vous a annoncé la reprise du tremplin Nos Talents sur Scène, ce dispositif tremplin de musiques actuelles à Saint-Étienne qui se déroule depuis le 17 mars dernier jusqu'au 31 mars. 5 soirées organisées en différents lieux, 4 concerts par soir pour ces présélections avant une finale entre guillemets prévue au mois de mai prochain. Alors ça se poursuit après 2 premières dates au Solar et au Clapier semaine dernière. Ce sera l'Université Jean Monnet à la salle de spectacle ce mardi 24 mars. On rappelle que c'est gratuit, ouvert à tous et toutes. Il y aura Nils, Cam, Rémi Officieux et Edicis, les 4 projets défendus sur la scène de cette salle de spectacle de l'Université Jean Monnet ce mardi. Et puis double date et proposition notamment sur scène cette semaine. Ce sera au Château du Rosier également avec Stephen McCall, Cosme, Skybolt et Icor ce jeudi 26 mars à partir de 20h avant la dernière soirée prévue à Albert Camus, Chambon-Vaugirol le 31 mars prochain. On aura l'occasion d'en reparler. Mais pour terminer en musique justement, une actualité locale et discographique, une artiste stéphanoise, Mélia Bey, dont on a déjà parlé sur cette antenne, va fêter la sortie de son premier EP, Louve de mer, qu'on a déjà d'ailleurs présenté et diffusé en extrait sur cette antenne. C'est une soirée live, une release party, donc une fête de sortie d'album avec des invités. C'est de la chanson française très poppy et très douce, Louve de mer, c'est le titre de ce maxi et de cette EP qui va être présenté donc ce jeudi 26 mars à 20h à la Comédie Triomphe à Saint-Étienne, qui est située 4 rue Violette. On va en profiter pour écouter un extrait de Louve de mer qui va être disponible ici et là sur toutes les plateformes en ligne et en physique. Mélia Bey nous a annoncé la mise en vente à la brasserie Le Muscat Place Grenette. Voilà pour les infos précises. Demain, et oui, vaste question, demain, toujours demain, politique, mais en musique avec Mélia Bey en guise de générique de fin de ce programme. Tout bon chez vous, on se retrouve très vite, même lieu, même heure sur cette antenne. Ciao, bye. Comme tu me vois, c'est comme je suis, moi. Hey, je me complais dans l'ennui, c'est ça. Comme tu me vois le matin, retrouve-moi le soir, penché sur le lendemain, on verra ça plus tard. Demain, je ferai tout à l'envers, mais je le ferai bien. Je fuis, moi. Hey, ma raison c'est mon envie, ma loi. Je ne fais rien de mal, je fais juste rien. Mais sache une une chose, c'est que je le fais bien. Où tu me trouveras dans mon canapé, à zoner, à fumer, à loser. Ne me parle pas de deadline, ni d'échéance conforme, où j'étirerai tout ça comme du chewing-gum. Ne me parle pas de calendrier, de date de télé à respecter. Où tu me trouveras dans mon canapé, à zoner, à fumer, à loser. Ne me parle pas de calendrier, de date de télé à respecter. Où tu me trouveras dans mon canapé, à zoner, à fumer, à loser. Zoner à fumer, à loser.